Bonjour madame. Oui, bonjour. C'est pourquoi ? En fait, je viens d'appeler votre commissariat. C'est pour une déclaration de vol. J'ai été cambriolée. Ah oui. On vous a volé de l'argent, votre carte bleue ? Non. En fait, comme je vous l'ai dit au téléphone, ça s'est passé chez moi. Quelqu'un est entré dans mon appartement et m'a pris des choses, des bijoux. Ah, bien. Vous allez faire une déposition avec un collègue qui va la taper en racontant les faits. Oui, mais j'étais pas là. Ça, vous le direz au collègue. Tenez, remplissez ce papier. Vous avez une pièce d'identité ? Oui, voilà. Heureusement qu'on m'a pas volé mes papiers. Voilà. Attendez là-bas. On va vous appeler. Ah oui, ce sera long ? Je peux pas vous dire. En général, pas plus de 3 quarts d'heure. Oh là là. Et tenez, prenez aussi ce questionnaire. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est pour savoir si vous êtes satisfaite de l'accueil et de la façon dont on a traité votre problème. C'est une grille d'appréciation. Ah bon ? Oui, mais je la remplirai après. Là, je peux pas encore dire. Écoutez, vous avez du temps maintenant pour la remplir. Oui, je le ferai. Mais je vais quand même pas le faire maintenant. Tout à l'heure, c'est normal. Bon. Faites comme vous voulez. Alors allez vous asseoir là-bas. On vous appellera.